un animal, me demande-t-on. Question originale, comme déclaration, comme si je demandais au premier rendez-vous à l'homme de ma vie si je suis à son goût. À l'homme de ma vie si je suis à son goût. La réponse positive, je vais telle une gazelle, fuyant cet engouement pour ma chair si fidèle, au petit bois pourtant, l'eau fraîche bien ingérée. Je me demande encore pourquoi cette joie de mes frères. Je me demande encore pourquoi cette joie de mes frères. Myope comme une taupe autour des terriers, cherche l'inséparable, volatilisé, sans gratter à la porte de mon nid douillet. C'était comme vouloir noyer un poisson ailé. C'était comme vouloir noyer un poisson ailé. Peur de loup quand soudain, derrière moi, qui je vois, le dindon de la farce qui maintenant aboie. Le dindon de la farce qui maintenant aboie. Es-tu donc si fidèle à ton si vieux patron? C'est que je me confonds tel un caméléon. C'est que je me confonds tel un caméléon.